J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui sont restés tout le long. Bonjour, je suis Lucie Inland. Pour ce quatrième épisode de Dangereuses Lectrices, je vous partage la séance publique du club de lecture féministe des rencontres 4C au Champ Libre à Rennes, qui s'est déroulée le samedi 8 février 2020. Il y a un peu de brouhaha ambiant, car nous n'étions pas du tout les seules personnes dans la bibliothèque. Je vous souhaite néanmoins une bonne écoute. Oui, d'accord. Bonjour à toutes et à tous. C'est un peu bizarre quand je suis un peu ça. Voilà, je suis assise par terre pour la session publique du club de lecture féministe qu'on tient tous les deuxièmes mercredis du mois de 18h à 20h depuis un peu plus d'un an, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Et moi, je suis en train d'enregistrer la session qu'on a en ce moment dans le cadre de mon podcast qui s'appelle Dangereuses Lectrices. Ça sera le quatrième épisode. Donc, quelque chose à rajouter sur... Non, je trouve que c'était une très bonne présentation. Très bien. C'est le club de lecture, on peut rajouter des choses. Ouais, le club, il a lieu en bas, la salle du bas, la salle magenta, ouais. Le deuxième mercredi de chaque mois. Avec de très beaux canapés, très confortables. Sachant que le principe, c'est qu'il y a un horaire, mais tout le monde peut venir selon ses disponibilités. En fait, il n'y a pas vraiment un heure de début et un heure de fin. On peut prendre en route. Voilà. Partir avant la fin. Il n'y a pas d'obligation, ouais. Comme sur le principe de tous les rendez-vous 4C des Champs Libres. Et on a un compte Twitter aussi. Ah oui. Ça. Oui, ouais. On a un compte Twitter, je ne sais pas s'il est marqué, c'est le club 4C. Elle s'est pas mise sur les papiers. Et vous pouvez venir une fois, ne jamais revenir, revenir à chaque fois. Voilà. Ah ouais, non, il n'y a pas d'engagement, c'est pas un club dans le sens formel. Ah oui, il n'y a pas de cotisation. Et on ne lit pas tous le même livre en même temps. En fait, l'idée, c'est de venir avec les bouquins qui nous intéressent et dont on a envie de parler avec tout le monde. D'accord. Pour que ça soit assez libre, qu'on puisse venir une fois, deux fois, s'échanger des livres. Même sans livre. Ou même sans livre. Et puis, et on parle pas que, on parle d'essais, de romans, de BD, de livres jeunesse. Vous pouvez venir avec tout ce que vous voulez. Et ça parle beaucoup aussi séries, films, Netflix. En tout cas, pour ce que j'ai fait. Actualité. Oui, l'actualité, ouais, ça voilà. Dépend de ce qui s'est passé d'un mois sur l'autre. Ouais. Ça déborde du cadre des livres. D'accord. Est-ce qu'on commence donc on va procéder à comme on fait d'habitude et chacun va prendre la parole, il n'y a pas forcément d'ordre. En gros, ouais. Chacun présente ses lectures ou pas, ou chacun se veut parler de quelque chose ou présenter quelque chose qu'il a aimé dans les mois ou les temps à venir, bah, le présente et après on peut en parler ou on passe à un autre livre. En gros, c'est ça, comment ça se déroule. En général, dans un ordre un peu aléatoire. Et sachant qu'il n'y a pas non plus d'obligation de prendre la parole, oui, à tout prix, c'est pas un exposé de classe avec une note à l'arrivée pour tout le monde. Vous pouvez venir, juste venir écouter. Qui commence? Un volontaire. Ah, je peux commencer. Ouais, je moi, je n'ai pas venu lire, je n'ai pas pensé, c'était logique. moi, j'en ai les trois dont... Enfin, ce dont je veux parler aujourd'hui, en tout cas. Donc j'ai lu là juste hier Sacrée sorcière de Pénélope Bageux, la BD qu'elle a adaptée du livre de Roald Dahl. Et bah, c'était vraiment sympa. J'avais oublié que Roald Dahl, enfin je sais qu'il est, que c'est dur et tout, mais j'avais oublié à quel point. Parce que vraiment à la fin du livre, bah, il n'y a pas de la ligne en fait. Il n'y a pas de dénouement comme on s'y attendait dans un livre jeunesse. Et donc ça fait vraiment bizarre et tout. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le, bah oui, le personnage de la jeune fille qu'elle a racheté par rapport au livre de Roald Dahl, qui fait vraiment écho aujourd'hui. Quoi. Donc voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu le roman de Roald Dahl ou de la BD. Non. J'ai lu les deux. J'ai vraiment apprécié aussi. J'ai trouvé qu'elle l'avait relu d'une manière hyper moderne, même qu'elle avait changé entre guillemets la. La couleur de peau du petit garçon, j'ai trouvé ça hyper pertinent. Je me souvenais pas à quel point j'aimais la grand-mère, le personnage de la grand-mère, qui est vraiment encore plus cool, je trouve. Et non, je trouvais que c'était une réadaptation vraiment moderne, mais dans le bon sens de la modernité qu'elle avait. Et il est assez gros en plus, donc c'est vraiment une belle BD à voir. C'est vrai que moi je vais revenir, je pense, un peu plus les Roald Dahl, parce que je connais les plus célèbres, les plus anciens, je ne m'en connais pas forcément, mais il y a tellement de lectures dans Roald Dahl, tellement de niveaux et tout, c'est un peu plus sympa. j'ai lu aussi Calpurnia et Calpurnia et Travis. C'est des romans des romans jeunesse historiques. En fait, Calpurnia, elle a presque 12 ans et elle vit en 1899. Et elle adore les sciences, la nature, étudier, donc elle voudrait devenir scientifique ou savante. Mais en 1899, au Texas, aux États-Unis, c'est pas trop une carrière pour les femmes, quoi. Enfin, ça n'existe pas en vrai, des carrières pour les femmes. Elle découvre dans le livre, il y a une jeune fille de leur vie qui va devenir opératrice téléphonique. Et alors là, ça paraît le rêve, quoi. C'est fou, elle est indépendante, elle travaille, elle n'a pas de mari. Ça paraît incroyable, tout le monde est tout soufflé. Donc voilà, moi je trouvais ça, j'ai aimé le côté féministe justement, parce qu'elle essaye de s'émanciper et tout avec l'aide de son grand-père. Et elle est toujours là, personne ne comprend sauf lui, parce que c'est un peu le cas en fait. Personne ne comprend qu'elle n'aime pas la couture, elle n'aime pas la broderie, elle n'aime pas le point de croix. C'est quoi cette jeune fille qui ne sait pas tout connaître? Donc pendant tout le livre, c'est son débat entre la science et sa mère qui essaie de la faire tricoter des chaussettes en particulier. Ça ne marche pas très bien, c'est pas très régulière. Il y a des trous partout. Donc voilà. Est-ce que tu peux rappeler le nom de ce livre-là? Calpurnia. Calpurnia? Ouais, c'est son prénom. Ah, d'accord. Et après, Calpurnia et Travis, c'est son petit frère un peu trop sensible. D'accord. Et bah, je vais récupérer. Du coup, là, c'était un petit peu. Je me suis un peu surestimée sur la quantité de livres engagés, comme vous pouvez le constater. Alors, j'avais pris ceci que je voulais diffuser et pour en fait, je voulais qu'on les fasse passer sur un lecteur. Parce que du coup, c'est deux livres de Chimamanda Ngozi Adichie. Le premier, c'est Nous sommes tous des féministes et le second, Cher Idi Amélé. Ils sont hyper bien. Et je pensais que c'était pas mal aussi pour donner une autre vision du féminisme qui soit pas uniquement franco-française. Malheureusement, on n'a pas eu de lecteur, donc je suis désolée. On peut peut-être les faire passer, non? Par contre, je les ai empruntés à mon nom. Donc, on les repose voilà. Au milieu. Je veux pas dire mon nom. J'avais pris du coup les deux volumes sur le MLF, puisqu'il y avait quand même pas mal de femmes à Rennes qui étaient au sein du MLF. Et je trouvais ça chouette de l'étudier, on devait le faire ensemble à deux. J'ai pas eu le temps de contacter la personne. Et du coup, c'était hyper cool de découvrir sa construction, d'avoir aussi des... C'est un peu dur pour moi de parler avec autant de monde, donc je le fais pas aussi souvent. D'avoir des images d'archives, avec du coup des journaux, des notes, enfin plein de choses. Et ça m'a vachement plu et ça m'a aussi ramené à ce que tu avais évoqué à la réunion écoféminisme où il y avait une femme qui avait parlé du fait qu'il n'y avait pas du tout les questions raciales à ce moment-là. Bah, c'est vraiment le cas. Enfin, c'est vraiment... la question hétérosexuelle et la question pour les femmes lesbiennes de savoir comment se construire dans la lutte et comment en fait elles se sont aussi séparées parce que ça fonctionnait pas. Donc voilà. Ensuite, parcours de femme à Rennes. Du coup, ça c'était chouette parce que ça parlait des femmes ordinaires en fait. Enfin, les brodeuses, une femme qui tenait un café. L'idée c'était un peu se relier avec OpenStreetMap, je crois, pour essayer de réfléchir à comment valoriser ces femmes en fait qui n'ont pas du tout été valorisées à la base mais qui font partie de la ville. Pour redonner aussi une place aux femmes qui sont pas forcément, qui n'ont pas un parcours extraordinaire, mais qui ont une place intéressante dans la ville. Donc voilà, j'avais aussi envie de partager ça parce que au début je me disais trop chouette, il va y avoir des héroïnes, ça va être trop bien. En fait, c'est, je sais pas, une femme qui tenait un café, il y avait un procès et plus personne ne voulait y aller. En fait, elle l'a ouvert aux opposants. Dans le procès, et du coup, ça a permis à ces personnes-là de se réunir et d'avoir une place aussi. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça couvre quelle période? Et à partir du 12e siècle, en fait, c'est hyper long, mais c'est pas très détaillé, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas ces brodeuses avaient un savoir-faire extraordinaire, c'est plus il y a eu ça, c'est factuel, et c'est chouette. Ouais, c'est pas c'est bien de remettre des femmes qui sont du commun parce que c'est vrai qu'on fait toute une focalisation parfois sur des femmes exceptionnelles. professionnel, mais ça me met un peu de pression sur le reste, en ouais. disant, ah bah si je fais pas comme ça... Enfin, juger exceptionnel, généralement, parce que tu fais histoire, parce que l'intellectuel, artiste, on vient passer dans la société, enfin c'est généralement, c'est des questions de classe. Quelque sorte sur le devant de la scène, mais... Alors, les sociétés matriarcales, c'est toujours pour sortir un petit peu du prisme eurocentré, où je voulais essayer de travailler sur autre chose. Alors après, j'ai eu le temps de découvrir qu'il y avait un endroit dans le monde où il y avait à l'enterrement des femmes des petits espaces en forme de sexe féminin qui étaient construits. Je trouvais ça hyper cool, mais sinon j'ai pas vraiment eu le temps d'aller plus loin. Mais je me suis dit déjà rien que ça, d'avoir ces formes-là qui existaient. Et en plus, bon, enfin, j'ai étudié particulièrement les sociétés matriarcales au Ghana parce que ça me touchait plus personnellement. Et j'ai trouvé ça trop chouette de découvrir comment c'était construit à partir de... En fait, il y avait les femmes qui étaient maîtresses à la fois du territoire et à la fois du peuple. Et c'est elles qui décidaient quel homme allait devenir maître des hommes, et elles étaient maîtres des femmes et du territoire. Donc en fait, c'était elles aussi qui détenaient un peu tout le pouvoir, quoi. Et j'ai trouvé ça hyper beau et intéressant de se dire qu'à un moment, ça existait. Donc voilà, je le conseille, mais un peu rude, on va dire, parce que très épais. Alors ça, j'avoue que vraiment, j'ai pas du tout pris le temps. Je suis désolée. Bon, j'aime bien l'art, j'aime bien les femmes, j'aime bien la Bretagne, mais je sais pas. J'ai pas eu le temps, quoi. Et alors, par contre, mon dernier, et après j'arrête, mon grand amour. Donc, ça, je serais beaucoup plus à l'aise pour en parler parce que je me sens beaucoup plus en capacité, en fait, dans le sens. Tout est tellement facile à comprendre quand on lit Liv Strömquist que je sais pas si vous l'avez déjà lu dans d'autres bandes dessinées. C'est quoi le titre ? La rose la plus rouge s'évanouit, c'est trop bien parce qu'en fait, Liv Strömquist, elle a une capacité à vulgariser tous les thèses sociologiques, à les retranscrire, à faire des trucs hyper drôles. Là, par exemple, ça débute en parlant de Leonardo DiCaprio et elle explique pourquoi. Bah, pourquoi Leonardo DiCaprio sort toujours avec des nanas qui ont entre 22 et 26 ans et qui font toutes partie de la même agence de pub. Et il enchaîne, et il enchaîne, et il enchaîne. Et en fait, ça questionne notre incapacité à tomber amoureux maintenant. Et c'est trop bien. Enfin, moi, j'ai pas arrêté de rigoler. Ça m'a aussi beaucoup questionnée. Aussi, est-ce que je suis encore capable de tomber amoureuse? Alors, oui. Avec des thèses de sociaux qui ne sont pas non plus uniquement celles de suédois ou de français ou d'anglais, mais aussi celles de coréens. Enfin, c'est trop bien. Et c'est. Enfin, je vous montre quand même des petits dessins. Et j'aurais aimé pouvoir prendre le temps de vous lire des trucs, à les histoires d'amour de Socrate. Enfin, c'est. C'est passionnant. On va publier beaucoup. Elle en a fait 5. Ouais. Dont une qui n'est pas sur le féminisme, mais qui est plutôt sur le capitalisme. Mais après, les quatre autres sont autour de thèses féministes, du couple et du corps féminin. Elle en a fait une trop bien, qui est Les origines du monde, et qui est sur justement les règles, etc. Je trouve un super bon premier bouquin à offrir à quelqu'un autre que, par exemple, Virginie Despentes ou autre. Je trouve que c'est une des premières. Et le dernier qu'elle a sorti, je trouve qu'il est dans la lignée des sentiments du prince Charles. Oui, je ne me trompe pas, c'est celui-là qu'elle a sorti avant. Oui. Qui déroulait déjà les films. Bah, de l'injonction du couple hétéro et l'injonction à la monogamie qui s'est suite. Qu'on soit, c'est pas une histoire de pour ou contre, mais comment ça s'est tissé avec notamment la valeur des femmes qui était longtemps estimée à la virginité parce que pas de pouvoir économique. Et Karl Marx qui a appliqué une grande partie du travail de sa femme pour écrire Le Capital. Einstein aussi, et qui prétendait après que les femmes étaient incapables de travaux scientifiques parce qu'elles n'avaient pas le cerveau prévu pour. Et ça questionne aussi le fait qu'il y a un rôle qui est donné à l'homme et un rôle qui est donné à la femme, et je trouve que c'est pas mal aussi pour les personnes qui disent « Ah, mais tous les hommes ne sont pas comme ça ». Au moins, ça permet un peu de... Bon, elle dit, ok, les mecs font chier, mais les pauvres, ils subissent aussi, quoi. Dans un sens, c'est pas cool de pas savoir s'occuper de ces trucs administratifs, c'est pas cool de pas savoir laver ses chaussettes tout seul. Enfin, c'est un cliché, ce que je suis en train de dire, mais c'est pour vous dire qu'elle est pas en train de faire que taper sur les hommes, elle explique aussi en quoi ce déséquilibre sociétal ne permet pas ni l'un ni l'autre de s'y retrouver quand on est dans un couple hétéro. Voilà. Et elle parle aussi au fait qu'on se retient vachement dans le système de trouver un nouveau plaisir, je trouvais dans cette BD, parce qu'on nous dit qu'il faut faire attention, blablabla. Et là, elle parle vraiment de se laisser aller, de vivre son histoire, et qu'on a aussi des injonctions dans la pudeur sentimentale, etc., de plus en plus aujourd'hui, et qu'on est loin des grands idéaux romantiques. Par contre, on peut facilement mettre dans un film. Et qu'elle remet aussi, et ça je trouve ça bien, de vraiment tomber amoureux à fond et de vivre son histoire d'amour à fond, et que c'est pas grave s'il y a une date de fin. Et, bah, elle dit qu'en fait il faut le faire et qu'il faut pas non plus rester en réserve et qu'il faut pas avoir peur de ses sentiments. Je crois que c'est quelque chose qu'on entendait très peu, dans très peu de discours, et je trouvais ça bien de le lire, même si c'est pas forcément adapté à tout le monde ou autre, mais d'avoir une autre approche des sentiments amoureux que la copine qui fait oula doucement, blabla, mais en fait elle dit vraiment de faire ce qu'on a au fond de nous, et qu'il n'y a pas de honte à aimer totalement quelqu'un. Quitte à fusionner avec cette personne. Je trouvais ça hyper bien aussi d'avoir ce point de vue-là, et surtout d'un point de vue féministe. Ouais, elle questionne vachement en fait la rationalité dans l'amour, l'amour super capitaliste où tu veux qu'une personne ait, bah, je sais pas, soit végétarienne, fasse de l'escalade comme toi, et parte en vacances en train comme toi, et de pas, je sais pas comment. mais en fait, c'est pas du tout ça, quoi. On peut très bien tomber amoureux de quelqu'un qui est super différent de soi, et c'est justement ça qu'elle encourage, et d'arrêter de chercher des critères comme si on cherchait un produit, mais plutôt de se laisser, encore une fois, surprendre sans être rationnel et capitaliste dans son approche. Et après, j'arrête, voilà. Est-ce que ce serait possible de parler un petit peu plus fort parce qu'il y a le brouhaha de la bibliothèque, c'est vrai qu'on est bien. En fait, d'habitude, on est genre 7. On est un peu déstabilisé. Alors, pour moi, je me suis intéressée aux femmes dans l'histoire de l'aéronautique et l'aérospatiale, parce que c'est vrai que c'est des domaines où, bah, par exemple, le premier homme sur la Lune, tout ça, etc., on est plus axé sur... Enfin, on a plus l'impression que les hommes ont fait plein de choses, tout ça, etc. Et en fait, les femmes aussi étaient très proches de ces domaines-là depuis le début, depuis que on a fait les montgolfières. Il y avait des femmes qui ont bravé un peu la bien-pensance pour y aller. Donc il y a ce livre-là qui donc raconte l'histoire de l'ascension des femmes dans l'air et l'espace. Donc c'est les extraterriennes d'Amelia Octave. Qui est très intéressant, c'est limite, ça fait un peu catalogue de toutes les femmes qui ont fait des choses, alors pas que en France et dans l'Europe. Il y a aussi en Afrique, dans son continent asiatique, tout ça. Donc c'est ça qui est bien, c'est de voir tout ce qui s'est passé. Donc depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, c'était très intéressant de voir que ça n'a pas été facile pour les femmes de devenir aviatrices, cosmonautes, parce qu'il y avait toujours le côté, oui, bah déjà par exemple la première femme à aller dans l'espace, c'était une soviétique, Valentina Tereshkova, et en 1963. Et en fait, la NASA, à côté, ils avaient peur d'envoyer les femmes parce qu'ils se disaient que vu qu'elles ont leurs règles, ils avaient peur que le sang parte dans tous les sens et ça risque d'être pas bon, donc on va pas les envoyer. Ah, il y a cette anecdote formidable où ils se demandaient que pour une femme qui avait ses règles pendant 7 jours de règles sans tampon, ça suffisait. Ne perdez jamais espoir, vous n'êtes pas forcément plus bête que des gens qui travaillent à la NASA. C'est vrai que sur le coup, on se dit, bah, je vois pas pourquoi, mais bon. Il y a des gens qui avaient peur d'envoyer des femmes faire dans les avions, tout ça, etc. Pour poursuivre ça, j'ai pris une biographie d'Adrienne Bolland, qui s'intitule Adrienne Bolland ou les ailes de la liberté, de Colleen Berry. C'est une des premières françaises à avoir son brevet de pilote en France, au début du 20e. Et elle est connue pour être la première aviatrice, et même la première pilote à être passée la cordillère des Andes. Alors qu'avant, il y avait 5 pilotes qui ont essayé, et je pense qu'une bonne partie en sont décédés. Et c'est très intéressant de suivre parce que c'est vrai que au début, elle pensait pas faire ça. Et sur un coup de tête, elle est partie là-dedans, personne n'y croyait trop, il y a un de ses frères qui l'a aidée. Et c'était pareil, quand elle est arrivée pour ses cours de pilotage où bon, bah, c'était la seule femme, les autres pilotes qui se moquaient un peu, tout ça, etc. Et en fait, c'était l'une des plus douées de sa classe, tout ça, etc. Donc, et elle s'est battue pour rendre accessible l'aviation à tous. Et ça, c'était vraiment très très simple. C'est ça ce qui vient. Moi j'ai bien aimé et ça donne, enfin, ça donne des modèles. De dire qu'il y a des femmes qui font ça, c'est rassurant. On peut se dire que bah, je ne suis pas la première à essayer de faire autre chose, de faire des choses différentes. Et je trouve ça bien d'avoir des modèles. Donc voilà. À moi. Est-ce qu'on peut essayer de faire plus court? Oui, non, mais je vais faire très court. Hyper nombreux. Moi j'ai lu Circe de Madeline Miller, c'est une américaine. En gros c'est une relecture du mythe de Circe que vous avez dû découvrir dans l'Odyssée globalement. Sauf que c'est une relecture qui est intéressante parce que là en fait on se rend compte que l'Odyssée, l'Iliade et compagnie ont été écrits par un homme d'un point de vue d'homme. Et là en fait elle réécrit le mythe de Circe en réincorporant quand même pas mal de choses de l'Odyssée, mais du point de vue des femmes et écrit pour les femmes. Et bah, c'est moi qui adore personnellement l'Odyssée et tout ce qui est en dessous, bah, c'est hyper intéressant. Et je trouve que tout ce qu'on a dans Homère et dans les textes de l'Odyssée, on jugeait négatif chez les femmes, comme tel transforme par exemple. Les hommes d'Ulysse en port, bah, en fait, c'est plutôt un mécanisme de défense parce qu'il y a des tonnes d'hommes avant qui sont nus et qui ont tenté de la violer ou autre et qu'elle n'a pas eu le choix de faire ça. Bah, bref, c'est plein de mises en place comme ça et l'histoire est quand même passionnante, ça se fait très vite. Toutes mes copines et moi, je pense qu'on l'a lu en 3 jours tellement c'est passionnant et que. L'histoire, les dieux, en fait, on pourrait vraiment réécrire. J'ai envie qu'elle réécrive toute l'Odyssée, en fait, j'ai envie qu'elle réécrive tout, mais d'une manière aussi passionnante. Et voilà, en gros, ça c'est hyper bien, c'est hyper facile et c'est hyper grave d'avoir un roman qui reprend une base historique, mais d'une manière aussi passionnante, riche et avec des personnages féminins vraiment passionnants, alors qu'ils n'étaient pas du tout mis en avant dans les textes antiques, on va dire ça comme ça. Voilà, j'ai fini. Bah non, parce que dans l'Odyssée, elle est présentée comme étant la sorcière qui tient les hommes captifs. C'est ça, mais même Médée, elle, on parle du mythe de Médée, tout ça, et je trouvais ça hyper bien la manière dont elle en parle. Alors moi, j'étais emprunté La place des femmes hein, de Joni Seeger. Donc c'est une géographe américaine. Qui fait un panel assez exhaustif, j'ai trouvé, même si le livre se lit assez facilement, il y a énormément de données dedans, sur en fait la situation des femmes dans le monde, donc ça parle de santé, d'éducation, de politique, etc., de culture. Globalement, la situation est quand même pas terrible, et notamment en Afrique, où c'est vraiment le continent qui cumule le plus de soucis à ce niveau-là. Donc c'est une Américaine, donc elle fait beaucoup de renvois aux États-Unis, notamment aussi, elle compare pas mal la situation avec les minorités, par exemple, sur certaines situations, disons, voilà, chez les Blancs, il y a tant de pourcentages touchés par le problème des soins, etc. Il y a, c'est un livre qui, même s'il est assez dense en termes de données, se lit bien, il y a des petites anecdotes assez marrantes. Il y a un mouvement que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, qui s'appelle The Right to Pee, le droit de pisser. Donc c'est un mouvement hygiéniste, en fait, je ne connaissais plus tout ce truc-là. Effectivement, les hommes peuvent un peu pisser un peu où ils veulent, et les femmes, là-dessus, c'est aussi une inégalité là-dessus. Et donc, mais ça ne renvoie pas seulement que sur la défécation, tout ça, c'est aussi sur l'hygiène, comment ça s'appelle, menstruel, etc. Il y a des zones où il n'y a absolument rien de prévu pour les femmes là-dessus, et ça pose des soucis. Donc voilà, c'est un pavé assez dense de chiffres, il y a beaucoup de chiffres. C'est pas un roman, ça se lit pas comme un roman, mais c'est vraiment à lire, ça donne un tableau assez... une photographie du monde qui est pas mal. Alors même si la conclusion est assez pas forcément très positive, il y a quand même des petits points positifs où elle dit que depuis 40 ans, l'instruction globalement a déjà vachement évolué en positif, et notamment celle des femmes. Et il y a certains métiers qui étaient presque des métiers réservés aux hommes, comme par exemple vétérinaire, je crois, et dentiste, qui commencent à prendre de plus en plus de les femmes deviennent presque même majoritaires sur certains postes. Donc il y a des choses qui sont assez encourageantes. Donc c'est. Et il est où ce mouvement Right to Pee? Alors c'est un mouvement américain à la D'accord. base. Mais en fait, à faire juste une petite mention là-dessus, parce qu'après, elle parle de ça, notamment pour les hygiènes menstruelles sur certains coins du monde, notamment en Afrique. Mais il y a l'Inde aussi, où ils ont le musée des toilettes, qui est prête à rire, dit comme ça, mais ça parle beaucoup des. ça se passe en Inde. C'est en... Oui, bah, voilà. C'est bien ce qui me semblait, qu'ils avaient aussi, vu qu'ils avaient aussi musée des toilettes avec les problèmes de santé publique liés à l'eau sale, oui. Et que beaucoup de femmes se retrouvent à faire pipi un peu partout en s'exposant notamment à des risques de viol. C'est ça, elle en parle là-dessus. Elle en parle là-dessus, etc. Mais c'est un mouvement qui est repris du coup par les trucs américains pour, voilà, pour aussi parler de discrimination là-dessus. Quoi, là-dessus. Tu veux y aller ? Pourquoi pas. Donc moi j'ai ramené l'essai de Iris Godin qui s'appelle Face à l'ULOL, harcèlement et sexisme dans les médias. Je te ferai passer après. Il est sorti récemment. Donc c'est une ancienne journaliste parisienne qui s'est reconvertie depuis dans la communication en grande partie à cause de sa mésaventure et le mot est faible avec la lutte du LOL. Donc pour les gens qui n'ont pas forcément suivi parce que c'est assez, assez propre à un cercle particulier, c'était sur Twitter entre 2009 et 2012-2013, c'était parti d'un groupe privé qui s'appelait la Ligue du LOL, qui était sur Facebook, avec beaucoup de journalistes, enfin, élèves ou jeunes journalistes, communicants, très grande majorité masculine, blanche, qui trouvaient ça très drôle de faire des blagues sur les gens qui n'étaient pas aussi brillants qu'eux. Donc généralement des femmes, des personnes racisées, des personnes homosexuelles, et qui allaient se défouler sur Twitter. Ils avaient leur petite cible, ça fonctionnait beaucoup par obsession, par petits règlements de compte privé, et ça allait très très loin, hein, des gens qui ont été poussés à bout de manière vraiment odieuse. On balance vos données privées, vous faites insulter 200 fois minimum par jour. Et elle raconte ce qu'elle a vécu, notamment par un des celui-là qui a fondé le groupe Facebook, Vincent Glade, qui est toujours journaliste en freelance et qui raconte de son point de vue à elle ce qui s'est passé entre sa rencontre avec lui à l'école et comment ça s'est passé quand elle voulait faire évoluer sa carrière et que lui, de son côté, lui, il avançait plus vite, notamment parce que ce groupe-là fonctionnait pas sur le fait d'attaquer en gros les gens pour pouvoir récupérer les postes derrière. Et c'est le principe de harcèlement en fait, de pousser quelqu'un à bout pour l'effacer de là où vous ne voulez pas l'avoir. Et l'affaire a pété il y a à peu près un an. Donc il y a eu quelques mises à pied depuis, dont Vincent Glade, et c'est là où elle a eu le déclic de faire le livre. Donc je pense qu'il faut peut-être se préparer à d'autres témoignages dans ce style-là. Donc là, des extraits à lire. Au moment où l'affaire a éclaté, le 8 février 2019, des journalistes membres de la Ligue du LOL, des hommes pour la plupart, occupaient des postes confortables, voire à responsabilité. Ils avaient réussi. Ils brillaient aux yeux de leurs supérieurs. Personne parmi les journalistes aguerris présents sur Twitter n'avait réagi, mollement peut-être, aux humiliations publiques. Personne n'avait osé. L'ambiance de Twitter ressemblait à celle du film Le Ridicule de Patrice Lecomte. Dans ce monde, un vice n'est rien, mais un ridicule tue. Pour l'anecdote, Vice, en France, avait déjà commencé à faire du ménage dans leur rédaction dès 2017. Ok. Moi j'ai amené un pavé, mais je vais faire court. C'est L'art de la joie de Goliarda Sapienza. Il y en a peut-être qui l'ont déjà lu, c'est un roman sur l'héroïne qui s'appelle Modesta, qui n'est pas modeste comme son nom l'indique. Et elle est née le 1er janvier 1900 en Sicile. Et le livre parcourt toute sa vie, jusqu'à son décès à peu près. Donc toutes ses aventures, il se passe vraiment un milliard de choses. Elle a énormément de relations amoureuses avec des hommes, des femmes, des hommes âgés. Elle va en prison, elle a des enfants, enfin il se passe plein de choses. Je peux vraiment pas résumer. Il faut aussi tout un été pour le lire. C'était parfait à lire en été, il m'a fallu un mois et demi. Et je pense qu'il faut vraiment de longues plages horaires devant soi, tranquille pour le lire. Elle a une manière d'écrire aussi qui est très variée. Des fois, il y a des dialogues très très longs. Ça peut faire un peu tragédie. Ensuite, ça va être plus humoristique. Enfin, il y a plein de styles mélangés. C'est vraiment passionnant. L'autrice, elle a mis des années à l'écrire. Et en plus, le drame de sa vie, c'est que le livre n'a jamais été publié de son vivant. Donc il a fallu attendre sa mort pour qu'un éditeur allemand découvre son roman, demande à ce qu'il soit traduit et le publie jusqu'à ce qu'il soit traduit en France. Et il vient d'être réédité par le Tripod. Et ce qui est aussi super intéressant, c'est de se renseigner sur la vie de l'autrice. Il y a des émissions sur France Culture, sur Goliarda Sapienza. Et elle a écrit beaucoup de... Enfin, elle écrivait tout le temps, mais elle n'a donc pas été publiée de son vivant. Et elle a écrit des choses sur son passage en prison. Donc il y a beaucoup de parallèles entre la vie de son héroïne et sa vie à elle. Donc c'est intéressant aussi d'aller lire tous ces carnets. Enfin, je ne saurais pas vous redire, mais je sais qu'ils les ont tous au champ libre, donc si ça vous intéresse. C'est pas qu'elle n'était pas écoutée, elle était carrément censurée. Oui, c'est ça. C'est ça, oui, parce qu'elle était très engagée politiquement, ses parents aussi. Ses parents, son père, il a passé plus de 30 ans en prison. Même quand sa mère était très amie avec un président italien, il pensait qu'elle aurait été éduquée. Voilà. Et pourtant, il n'y a rien de cru, ni de... Non, mais pour l'époque, c'était... Enfin, pour l'époque, ils étaient très... C'est traduit depuis 2004. Ouais, mais à la fin c'est marqué Rome 1967-1976. Donc j'imagine que c'est la période où elle l'a écrit. Et effectivement, oui, elle a été censurée. Ils voulaient pas la publier. Et c'est vraiment dommage. Je dirais que ce serait un beau cadeau à lui faire que de la lire aujourd'hui en fait. C'est bien qu'ils l'ont réédité parce qu'elle n'existait plus. Ouais. Donc soyez motivés à lire ce page. Voilà. Et il y a un livre que je n'ai pas amené, mais que j'ai adoré, je vais juste dire deux mots, c'est Zami de Audre Lorde, qui est une autrice afro-américaine, lesbienne, très engagée dans le féminisme, qui a écrit sur sa vie. Et elle a une plume magnifique. Elle est aussi poétesse, donc ça, voilà, ça joue aussi. Et c'est vraiment super beau, elle raconte toute sa vie et surtout ses amours. Donc voilà, je vous le conseille aussi. Sapienza, c'est son nom de famille. C'est mon bouquin, donc je peux le récupérer à la fin. Je sais si tout a tourné là, les DVD, si on les a récupérés. T'as récupéré tes. Pas encore tout. Ah, ouais. Bon, moi je. Je vais continuer sur La plus belle histoire des femmes. C'est en fait, alors le titre, c'est lié à une collection des éditions du Seuil. Et c'est un livre d'entretien entre Nicole Bacharan et trois autres autrices assez connues dans leur domaine. Nicole Bacharan, c'est une historienne et une politologue. Et on a une première partie avec Françoise Héritier, qui est anthropologue et spécialiste des sociétés africaines, ancienne élève de Claude Lévi-Strauss. Et en fait, l'idée, c'est de faire un récit très ouvert, sous forme donc de discussion, depuis l'origine, enfin l'aube de l'humanité, mais comme le livre fait 300 pages, tout est assez concis, il y a pas mal de raccourcis. Mais l'idée, c'est de faire quand même de tracer un peu la destinée des femmes à travers les siècles, et notamment de comprendre pourquoi on n'arrive pas à une égalité des sexes. Et beaucoup d'exemples sont donnés. Donc là, structurellement, enfin, la Françoise Héritier va commencer à nous expliquer que par rapport aux premières structures sociétales, c'était au départ, il y a eu une différenciation qui a été faite pour finalement compenser alors, ce qu'elle appelle le privilège exorbitant d'enfanter des femmes. Donc les hommes ont eu une emprise naturelle. Alors, une volonté par méfiance des femmes, mais aussi un besoin de contrôle. Mais en fait, c'était surtout lié à une compétition entre les hommes de garder le pouvoir. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Alors, évidemment, ce qui revient souvent, c'est de faire, en fait, d'expliquer pourquoi on arrive à faire une différence des sexes. Et en fait, historiquement, elle, à part sur un constat physiologique, et en fait, il y a eu un système de croyances basé sur les dualités qui sont perpétuées par culturellement, c'est-à-dire on a voulu classer par opposition à chaque fois les femmes, les hommes. Donc quand on avait par rapport donc au départ la notion du sexe extérieur, intérieur, on a des notions de chaud et froid, et ben il fallait par mimétisme, on fallait tout le temps classer cela aussi en dualité. Donc qui était, est-ce que l'homme, l'homme était l'élément chaud, la femme était l'élément froide, et après quel était l'élément fort. Et donc tout ce jeu de classement s'est perpétué tout au long du temps. Donc ça, c'est l'origine. Ensuite, on a une deuxième partie, Michèle Perrault, historienne spécialiste du droit ouvrier, mais surtout celle qui a initié de raconter un peu, de faire l'histoire des femmes. Là, elle couvre la période de l'Antiquité gréco-romaine jusqu'à nos jours, traite de nombreux thèmes. Donc l'instruction, qui typiquement, et ce qu'on peut voir en différenciation, c'est qu'on disait à l'époque, on instruit les garçons et on éduque les filles. On peut comprendre un peu les différences de sens qu'on impliquait en disant ça. Donc il y a énormément de thèmes, notamment le droit de la conquête du travail, le droit de faire la politique, le droit de travailler. Et à chaque fois, elle montre les écueils et les freins qui ont été posés par à la fois les hommes, mais aussi les organisations dirigées par les hommes, donc notamment religieuses. Il y a eu pas mal d'exemples, notamment, moi j'ai appris qu'au niveau de la Révolution, par exemple, on avait déjà créé le mariage au civil et le droit au divorce. À l'époque, 80% des femmes le demandaient. Donc c'était très novateur. Bon, ces droits ont été très vite retoqués par Napoléon. Mais en fait, il y avait une, on va dire, une émergence à ce moment-là. Le problème, c'est que ça a été très vite... on a très vite clos la parole des femmes. Bon, certaines, comme Olympe de Gouges, se feront entendre. Elle aura notamment eu le temps de faire la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Et elle montera aussi rapidement derrière à l'échafaud en 1793 pour avoir pris la défense de Louis XVI. Mais elle aura eu à ce moment-là la célèbre formule « La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune. » Donc il y a eu quand même des paroles assez fortes. Alors je vais pas résister, je suis un peu long, mais je vais pas résister à lire à l'époque de la Révolution. Donc on avait notamment sur le rôle des femmes et en fait le rôle de faire de la politique, qu'on leur refusait. Et peu d'hommes ont protesté, à l'exception de Condorcet, qui a écrit en 1790 un traité sur l'admission des femmes au droit de cité. Il y réfute tous les arguments sur les incapacités supposées naturelles des femmes, ajoutant non sans humour: il serait difficile de prouver que les femmes sont incapables d'exercer les droits de cité. Pourquoi des êtres exposés à des grossesses et à des indispositions passagères ne pourraient-ils exercer des droits dont on n'a jamais imaginé priver les gens qui ont la goutte tous les hivers et qui s'enrhument aisément? Pour la deuxième partie et la troisième partie, je vais faire plus rapide. En fait, c'est Sylvia Nagasinski qui est une philosophe. Elle explique que pour elle, c'était un choc, une découverte, de se rendre compte qu'effectivement, la pensée philosophique a d'abord été pensée par les hommes. Peut-être pas pour les hommes, mais en tout cas par les hommes. Ce qui change énormément de choses dans l'approche. Et son travail était de relire et de repenser un peu un corpus philosophique en y intégrant une vision féminine. Selon elle, bon, c'est l'avènement de la contraception qui a vraiment permis aux femmes de commencer à s'affranchir véritablement du contrôle des hommes. Elle le fait assez bien, c'est que sur cette forme-là donc d'entretien, Nicole Bacharam ajoute quand même la contradiction, mais une contradiction avec un ton posé mais constructif. Et il y a des thèmes qui sont exposés comme l'identité sexuelle et la PMA. Mais il y a des vraies questions qui sont posées sans côté partisan. Donc, moi, ce que j'ai trouvé de bien, en fait, c'est que ça se lit très rapidement, 300 pages. C'est très agréable et ça donne beaucoup d'éléments factuels, en fait, pour ce qu'on appelle comprendre le besoin. À l'heure actuelle, on parle de déconstruction, mais finalement, ce livre-là, il est utile et pédagogique parce que ça nous apprend pourquoi il y a eu, en premier lieu, il y a eu une construction qui s'est faite. Donc, avant de parler de déconstruction, je trouve que pour introduire un peu le sujet, je trouve ce livre particulièrement bien fait, à défaut d'être de référence ou autre. Donc, pour moi, je ne sais pas si on avait encore d'autres. Voilà, j'avais prévu de présenter La Nuit des Béguines de Aline Kinner. Je ne suis pas la seule à l'avoir lu. Ça commence en 1310, donc c'est un roman historique. Et ça parle de femmes qui vivent avec un statut très très particulier à l'époque, et j'ignorais totalement. Donc le statut de béguine, qui est un statut de religieuse mais laïque, qui ne dépend pas des ordres ecclésiastiques. Et donc en fait, c'est des femmes qui vivaient souvent chacune dans sa maison, mais quand même dans un même quartier, à peu près au même endroit, et elles vivaient en autogestion à peu près. Et elles travaillaient pour subvenir à leurs besoins, elles produisaient leurs propres règles, elles avaient le droit de sortir. Elles ne le faisaient pas forcément tout le temps, mais elles avaient le droit de sortir, le droit de rentrer. Ce n'étaient pas des religieuses cloîtrés dans un couvent. La plupart étaient célibataires ou veuves. Et donc, c'est un roman qui parle de la fin de ce statut-là. Parce que ça va durer à peu près 2 siècles, et puis au bout d'un moment, quand même, le clergé va se dire que c'est des femmes qui sont un peu trop libres, donc elles sont dangereuses. Et donc ça parle de la fin de ce statut, et ça met en scène plusieurs femmes d'un béguinage à Paris. Et donc, à travers cette histoire, l'histoire de ces femmes, on raconte aussi l'histoire qu'elles ont eue avant d'arriver dans le béguinage. Et donc ça touche au statut de la femme du XIVe siècle, un certain nombre de violences, même de violences légales qui peuvent leur être faites, comme des mariages forcés. Et donc on a un livre avec quasiment que des personnages féminins. Il y a vaguement un moine qui vient et qui repart, mais c'est un livre sur la sororité, sur la liberté des femmes qui peut être remise en question très facilement. Je recommande l'écriture, j'ai trouvé que l'écriture était très agréable. Il y avait plein de mots que je connaissais pas, donc ça fait plaisir. Mais ça, c'est en Belgique, ça a existé plus longtemps. Oui. C'est qu'en France, que ça a duré très très peu avec Nouvelle, je sais pas quoi, et qui a accepté la guerre noire. Mais le clergé a toujours été contre ça, hein. tout le temps, parce qu'elle ne voulait pas ni être dépendante d'un homme, ni se marier, ni rentrer en religion. Mais on entend beaucoup parler de ça encore en Belgique. Et en France, c'est ce qui parle de livre, ça s'est arrêté parce que ils ont tout fait pour dire que c'était des vermeules, ou c'est ça qui s'est fait mis sur le bûcher. Mais il y a des biguines, il y a du biguinage à Tours et à Angers, je viens de savoir ça, il y a des gens qui sont bêtes en biguinage. Tours, Angers. Actuellement, là. Ouais. Ah ouais. Il y a un groupe de. Parce que je connais quelqu'un qui s'est branché avec ça, à bon âge d'ailleurs, et qui a été à Tours, donc je ne sais pas ce qu'il en a, mais à Angers, ils sont aussi une vingtaine de personnes. Il y a un homme et deux couples, et c'est que des autres, c'est des femmes, quoi. Donc c'est marrant parce qu'ils ont gardé le terme. Voilà. Mais en Belgique, le village, c'est beaucoup. Je pense que ça existe encore. En France, ça a juste été toléré un tout petit peu. À Bruges, il y a un béguinage qu'on peut visiter. Ouais, tout à fait. Contre les horaires sont imposés et on ne peut pas les croiser. C'est-à-dire qu'il y a une sonnerie, elle rentre chez elle et ensuite on ouvre les portes pour rester. Ouais. C'est vrai qu'il y a une atmosphère très reposante, très particulière. Architecturalement, c'est très joli aussi. Hein. Et c'est très beau. Où ouais. Ça à Bruges. Ah oui. Mais tout est beau, oui. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne les croise pas. On ne peut pas rentrer avant qu'elles soient rentrées chez elles. Il y a quand même, elles sont retirées du monde. Oui, c'est une autre forme. Elles ne veulent plus par personne. Je le fais tourner, c'est le mien, mais je peux le prêter aussi. Si également, je voulais préciser, il y a un rayonnage particulier en fait qui traite du féminisme qui est derrière. Je crois, le code, je crois que c'est 342 quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un peut regarder sur un des livres. 300. C'est pas. Non. Alors là, on est. Alors c'est peut-être au cinquième, mais c'est à peu près à la hauteur, à la entre le dans ce coup, à la hauteur de ce couloir là. Et donc il y a un 305.42. Et donc il y a un rayonnage dédié pour ceux et enfin, celles et ceux qui sont intéressés par le sujet et également. Et dans le cadre du week-end Jardin d'hiver, il y a aussi une sélection qui a été mise juste devant les ascenseurs là-bas, si vous voulez regarder. Voilà. C'est ça, j'ai vu tous les livres, tous les les deux commentaristes ont travaillé pour faire une grande sélection et on a traité une infime partie, mais ils avaient tous joué le jeu pour nous proposer énormément de choses dans tous les domaines, que ça aille du livre pour enfants par exemple, où il y a énormément de choses dans le sport, les sciences Et donc, je ne sais pas si tout est là-bas, mais il y avait énormément de choses. Mais il y en a un bon paquet là-bas, donc, que vous pouvez emprunter. Qui, oui, voilà, ouais. Qui sont libres. Pour. Par contre, ceux qu'on a fait circuler sont, sont à remettre ici, ouais. Puisqu'on seront à rendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler d'un livre, même ouais, si vous ne l'essayez pas avec vous. Le dernier truc que j'ai ouais. vu, entre autres, le bal des folles, quand même, de la fille de Jeanne Mas, là, qui s'appelle Victoria Mas. C'est un témoignage sur les femmes internées avec Charcot, la sacrée prière. C'est quand même récent. Et bon, bah, les bonhommes, ils pouvaient enfermer leur mère, leur femme, leur fille. Bah là, de quoi ça parle. C'est pas particulière. Il y a une femme qui finit par se révolter, se protéger des mamans qui n'était pas du tout folle. C'est son père qui l'interne quand même là-dedans, parce que ça ne fait pas comment elle pense. Hein. Mais je pense que c'était une très bonne femme à être internée, qui n'a absolument rien. Elle pourrait devenir cinglée assez rapidement d'ailleurs. Mais surtout qu'il suffisait de pas grand chose à l'époque, de donner son opinion, refuser de coucher avec son mari. Enfin, j'étais tombée sur un document, j'étais genre, ah ouais, en fait. Bah, tout ce qui déplaisait. Hein, oui. Et c'était assez arbitraire. De toute façon, vu que les femmes étaient considérées comme des mineurs, c'était très bien. Mais ça existe encore, hein, tu sais, de faire interner des gens d'une manière arbitraire. Mais là, c'était toujours des hommes qui faisaient interner leur fille, leur femme, leur mère, leur grand. Il n'y a pas de témoignage de femmes qui ont interné de femmes. Et Charcot exhibait ces femmes-là dans des mises en scène de crise d'hystérie avec un aspect très zoo-humain parfaitement dégueulasse. Sachant que le mot hystérie vient de utérus. Oui. Comme par hasard. Il manque les femmes qui peuvent être hystériques. Mais oui, c'est vrai que l'utérus se trimballe dans le corps et c'est ça qui rend folle. Merci. Sinon, moi j'aime bien aussi Léonora Migano, l'Africaine, donc elle a écrit dans la famille de Rue qui sont intéressants. Il y a aussi, je pense à quelqu'un de Chloé Deloume. Ah oui. C'est quand même pas mal. Elle écrit en plus d'une manière très très très particulière. C'est bien. Et alors, est-ce que vous connaissez Chrysélidis Réal? Parce qu'il y a très peu de gens qui connaissent, et ça c'est aberrant. Parce que c'est une femme quand même qui s'est prostituée toute sa vie et puis qui a écrit. Elle mettait sur son identité qu'elle était prostituée écrivaine. Elle s'est prostituée que pour avec les Arabes, les ouvriers, enfin c'était son acte militant. Elle a milité beaucoup dans les années 80 pour les prostituées aussi. Enfin, elle a foutu tout son fric. Et c'était une Suisse, mais son histoire ça commence « Suis-je encore vivante ?» C'est un petit journal où elle est en prison. Puis après, le noir est une couleur, parce qu'en fait, elle s'est retrouvée sans papier en Allemagne, juste après la guerre. Elle s'est fait... elle a failli crever, quoi, en fait, de rien avoir. C'est des gitans qui l'ont sauvée, en fait. Et puis elle a commencé à se prostituer, puisque elle a commencé à claquer. C'est une femme qui a eu 4 enfants. Qui écrit d'une manière vraiment particulière. Il y a Jean-Luc Henning, c'est un journaliste avec qui elle a eu une relation épistolaire et qui l'a édité qu'après 5 ans. Alors, et là, c'est Carmel Ball, je crois que c'est la couleur bien à plat, mais c'est super bien écrit. C'est un témoignage très particulier parce qu'elle défend les bonhommes, mais de sa manière sur la prostitution. Il y a Mermet qui faisait des émissions sur elle avec des paroles à elle. Mais c'est pas du tout connu. Et il y a Camille Garlédan, elle a fait un spectacle aussi sur les écrits avec Jean-Luc Hédic. Et moi j'ai vu. Non, c'était juste. Elle a pris des lettres. Elle a fait des textes, elle est accompagnée d'un international. Je ne sais pas si elle veut continuer, d'ailleurs, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'elle fait quelque chose? Oui, ça me rappelle quelque chose. Oui, regardez, c'était aussi une fois un spectacle, c'était 3 nanas qui faisaient plein de. À propos de. Enfin, l'issue de ces textes, etc. Ils avaient fait un spectacle qui était magnifique, il y avait une accordéoniste, une conteuse et une nana qui faisait de la, sculpture, mais rapide, enfin, sur le corps, voilà, avec le plâtre. C'est magnifique. C'est aussi issu de ses écrits. Mais c'est impressionnant ce qu'elle écrit, ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte. Et son vrai nom, Chrysélisis Andréa. A travaillé sous son vrai nom. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, elle a un très très beau nom. Et c'est une Suisse. Ah ouais, moi je pensais que c'était un pseudonyme du coup. Mais... Chrysélisis. Il n'y a pas longtemps, elle était sur France Culture. Il y a eu une émission la concernant. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est. J'avais envie de parler de. J'avais pas amené, je savais pas qu'elle allait amener un livre. Et à propos du livre dont vous avez parlé sur les sociétés matriarcales, j'ai recherché dans la bibliographie une anthropologue américaine qui est morte dans les années, fin des années 70 à peu près, et qui a écrit, je pourrais chercher aussi dans le livre dont vous avez parlé, monsieur, avec Françoise Mauricier, si elle est référencée, Evelyn Reed, qui avait écrit un livre Féminisme et Anthropologie. Elle aussi, elle explique un petit peu le déroulement patriarcal, comment il était advenu, comment en retournant au début des sociétés historiques, comment il explique qu'il y avait au départ, enfin elle explique. C'est peut-être une théorie, j'avais pas 20 ans quand j'ai lu, donc je me souviens vraiment très peu, mais ça m'avait frappé, John, ce déroulement de l'histoire. Donc les femmes auraient vécu entre elles, en forme de société matriarcale, enfin même pas matriarcale, mais. Entre elles, avec les enfants, et les hommes plutôt solitaires, ça ressemble un peu à des sociétés animales, la façon dont on décrit. Les hommes se seraient rapprochés de ces groupes d'êtres humains qui sont plus solidaires et donc plus protégés en étant ensemble, et petit à petit, cette société égalitaire ou matriarcale, c'est apparu, s'est transformée en matriarcale. Bon, je ne sais pas ce que vaut cette théorie-là. Et si quelqu'un la connaît, je recherche un peu la trace de cette anthropologue, Evelyn Reed. Il y a une notice biographique, peut-être qu'elle est citée. Elle parle des sociétés, alors, je me rappelle plus, je pense que c'est France aux héritiers qui en parle au départ. Par contre, ce qu'elle explique, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont existé, qui sont étiquetées matriarcales, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y avait beaucoup de règles et que la femme ne possédait pas tout de suite son statut. C'était une fois veuve ou une fois qu'elle avait un certain nombre d'enfants, qu'elle pouvait être considérée comme une personne de pouvoir au sein de la société. Donc il y a encore des nuances sur beaucoup de sociétés matriarcales et on se rend compte que c'est pas l'image qu'on peut en avoir d'avoir un pouvoir immédiat ou d'avoir une égalité. Mais oui, elle expose notamment, je crois que c'est je me rappelle plus le nom de la société qui prend en exemple et où il y a beaucoup de règles et où les femmes avaient un vrai pouvoir, mais même le pouvoir de choisir ses partenaires, le pouvoir pour le premier enfant, comme le premier enfant était considéré comme un don du ciel, c'était la femme qui choisissait le père, qui choisissait qui serait le père. Il y avait ce genre de construction et de schéma. Et après, la femme pouvait se mettre dans une retraite et elle pouvait avoir une vie sexuelle complètement libre. C'est elle vraiment qui pouvait choisir ses partenaires, qui demandait aux hommes. Et ça avait aussi un rôle d'éducation sexuelle. C'est extrêmement varié en fait. Les sociétés matriarcales, on se rend compte que c'est encore plus varié que ce qu'on peut croire. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu une avancée pour tout de suite avoir eu quelque chose qui a été heureux. Il n'y a surtout pas beaucoup de traces. Tout était détruit systématiquement, volontairement. Le Fatola, il y a aussi un autre, un groupe de prénoms. Oui, Olympe, c'est la plus connue, on va dire. C'était vraiment intéressant et qui était vraiment malade. D'ailleurs, j'en disais toujours. J'espère que cet épisode vous a plu et qui sait, vous donnera envie de passer au club de lecture féministe au Champ Libre. Je remercie Studio Dilettante pour leur accompagnement et leur soutien. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @Lucie_Inland et Instagram @LucieInland en un mot, ainsi que Studio Dilettante sur Twitter @StuDilettante. Nous avons aussi chacun une page Tipeee pour le soutien financier, soit pour l'association pour financer du matériel, soit moi pour soutenir concrètement mes projets, soit les deux. N'oubliez pas de mettre plein d'étoiles sur iTunes afin de faire grandir ce podcast. À bientôt.